Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Voilà ce qu'il faut, danser pour ouvrir le bal. Pour commencer, un passo c'est idéal. Tout le monde se lève et devient dans l'arène une madrilène, un hidalgo. Tous les samedis, la France devient espagnole. Ce n'est pas la cadence de la carmagnole. Tous les danseurs en habit de lumière pour un instant vont devenir de vrais toreros. Allez, allez, la corrida commence. Allez, allez, gardez bien la cadence. Les musiciens sont là pour vous accompagner. Si vous voulez chanter, il faut crier allez. Allez, allez, la fête recommence. Si vous avez la moindre défaillance, il n'y a rien de tel qu'une sangria pour faire monter la fièvre sur la feria. Thank you. Merci à Michel Pruvot de nous avoir interprété un passo-doble olé olé. Alors les valseurs. Et à Antoine Tedeschi de nous avoir interprété Défilé d'accordéonistes. Nous étions en 1937. C'est bien Accordéon Parade que vous écoutez, vous êtes en compagnie de Michel. Michel qui fête aujourd'hui sa 1900e émission d'Accordéon Parade, c'est-à-dire la 1900 dimanche que je suis avec vous. Un peu plus de 34 ans et demi. Pendant deux heures, nous allons rêver, nous allons faire des rêves d'accordéoniste. Et c'est monsieur Édouard Duleux. Thank you. Merci à Jean-Paul Cressendon qui vient de nous interpréter une danse country. Et maintenant, eh bien maintenant, nous allons danser, nous allons plutôt faire un tango avec Jean-François Assetti qui nous vient de Corse et qui nous interprète l'amour, soleil et tango. Thank you. la feria de Malaga. Mon cœur fut enflammé par la magie de la plus jolie des señoritas. Elle dansait au son des castagnettes sur un rythme endiablé de fandango. Bien avant que la musique s'arrête, elle fut ovationnée par les bravos. Paquita, fille d'Espagne, des cheveux longs volant au vent sous un mirage. Paquita, la joie me gagne quand ton regard pose sur moi comme un orage. Paquita, tu es si belle, viens près de moi et surtout ne sois pas rebelle. Paquita, tu étincelles, tu m'ensorcelles et je veux t'aimer. Olé! Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. C'est bien Accordéon Parade que vous écoutez, et vous êtes en compagnie de Michel, auditrice, auditeur de Sorgia FM, bonjour! Accordéon Parade, c'est tous les dimanches de 9h à 10h. Et ce dimanche est exceptionnel. Puisque Michel fête sa 1900e émission d'accordéon. Tous les dimanches avec vous, auditrices, auditeurs de son GFM. C'est-il pas sympathique? Il y a quelques instants, sur les 91-91 MHz de Sorgia FM, on a entendu un sympathique garçon qui nous vient de Vaunas. C'est Damien. Damien Poyard. Et il nous a présenté Paquita. Et bien maintenant, moi je vais vous présenter deux sympathiques jeunes filles qui nous reviennent du Jura suisse. Ce sont les sœurs Chapuis, Corinne et Fabienne Chapuis, qui vont nous interpréter un morceau de leur composition « Retour du Jura ». À vous mesdames. Thank you. Merci, bravo, bravo et merci à Nicole Berge qui vient de nous interpréter Turbulette, une polka assez sympathique. Et maintenant, nous allons danser la Paloma interprétée par deux sympathiques accordéonistes qui nous viennent d'Allemagne. Les coquins, ils nous ont interprété ce tango en valse. We'll be right back. Et merci à Jo Moutet de nous avoir interprété cette valse. Comment ? Non, c'est Jo L'Auvergnat. Non, c'est Jo Moutet. Oh, on faudrait savoir. Eh oui, mais au début, c'était Jo L'Auvergnat. Et puis ça a changé. Après, on a mis Jo Moutet. C'est le producteur qui avait dit qu'il fallait mettre Jo L'Auvergnat. Parce que Jo Moutet, ça ne marchait pas. Alors voilà. Mais non, non, c'est Jo Moutet. Voilà, Jo Moutet qui interprétait Bille de Billard. Et on continue avec un sympathique jeune homme. C'est Manu Mauguin qui nous interprète Fiesta Mexicana. Son village au toit bleu, laissant des cœurs qui saignent. Il a pensé qu'il pourrait vivre heureux loin d'eux, mais dans la ville au ciel brumeux, quand par hasard il souffle un vent léger, on croit entendre le vieux berger presque tout haut rêver. Auvergne, tu chantes Cologne. Un clair dimanche, une fille aux yeux noirs, la valse des montagnes. Le banc de pierre où les vieux vont s'asseoir le soir, l'orage gronde, il va pleuvoir. Te souviens-tu de l'Auvergne au jour gris? Le vieux berger ce soir m'a dit: je retourne au pays. Auvergne charmante, pays des cœurs fervents, Auvergne qui chante avec la voix du vent. Merci à André Thivet qui vient nous interpréter une chanson auvergnate. Et maintenant, viens, allez, allez, viens. Eh oui, c'est Stéphanie Moreau qui me dit: allez Michel, allez, viens, viens, viens. Augusto. Augusto Baldi nous interprète Augusto. Thank you. Merci à Monsieur Marceau, c'est un... j'ai repiqué ce morceau sur un 78 tours que j'avais à la maison, ça gratte un peu, mais c'est joli quand même, c'est Marceau dans les années 30 qui revient du Tyrol. Et on continue, accordéon parade bien sûr, avec la banda espagnole. Espagnole, olé! Il y a des fleurs dans les rues et des filles en robe de couleur. C'est un jour où rien n'existe plus que la joie de chanter tous en cœur. On ne pense pas à demain, sous le soleil tout va bien. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et sur les 91 MHz de Sorgia FM, vous écoutez ce matin Accordéon Parade. Michel qui fête sa 1900e émission d'accordéon tous les dimanches sur votre radio sympathique de 9h à 10h, c'est Accordéon Parade. Et aujourd'hui, on va aller jusqu'à 11h. Alors, il faut que je dise un grand merci à mon technicien et à mon programmateur qui m'ont bien suivi pendant ces 34 années et demie pour essayer de faire un bon programme. Et puis Accordéon Parade sur plateau d'accordéoniste. Le bonjour de l'accordéon tous les dimanches 9h-10h. Émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. Accordéon Parade, c'est une émission pour les mordus du dépliant. 100% musette sur la bande FM. On va continuer Accordéon Parade avec un sympathique jeune homme qui nous vient de l'Est de la France. C'est Damien Berzinski. Allez Damien, que la corrida commence. Thank you. Et sur les mambos, il doublait le tempo. Les filles faisaient wow, wow, accordéoncho. On dit qu'une femme a brisé toute sa vie et que dans les gammes, il recherche l'oubli. Mais dans le huis clos, d'un verre de Pernod éclate en sanglots, wow, accordéoncho. Nous allons écouter le blues du Musette, et c'est monsieur Joe Privat à l'accordéon. We'll be right back. aujourd'hui c'est la Saint-Martin. Et ce sont les accordéonistes jurassiens qui nous rappellent qu'aujourd'hui c'est une joyeuse Saint-Martin. Ce dimanche, eh bien ce dimanche, on va souhaiter un bon anniversaire à un sympathique jeune homme de Vouvray, à René Sauge. Et oui, hier c'était l'anniversaire de René Sauge, alors René, on vous souhaite un bon anniversaire, une bonne santé et plein de bonnes choses. Et puis, vous qui aimez le plateau de Retort, eh bien, c'est Pierre-André qui va interpréter « Vive dans notre montagne », dans notre belle montagne. Alors, c'est pour vous, René, pour vous tout seul. Et encore une fois, bon anniversaire à vous, René, et bonne santé. En Auvergne, en Savoie ou en Provence, vivre au grand air, oui, c'est du champagne. Toute l'année durant, c'est les vacances. Le puits Marie ou bien la Chartreuse sont le secret pour une vie joyeuse. Sur les sommets, on voit la vallée, la rivière et les fleurs. Le vent d'été vient nous murmurer, c'est pas cher le bonheur. Il fait bon vivre dans nos campagnes, en Auvergne, en Savoie ou en Provence. Tu entends l'écho de nos montagnes, dans ta banlieue tu attends les vacances. T'es déprimé, tu vis comme un pion, c'est pas difficile, vends ta maison. Prends ta valise, ta femme, tes enfants, n'attends pas plus longtemps. Vous seriez bien mieux au Bourdoisan, à courir dans les champs. Bon anniversaire à vous, René, et bonne journée. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Nous étions dans un charmant petit village, dans un joli, petit village dans le Jura suisse. C'était Auloc avec la marche des accordéonistes locois. Et bien maintenant, on va faire, pas tout de suite, mais on va faire dans quelques instants une dédicace, une petite dédicace pour Françoise, puisque c'est son anniversaire. Et la personne qui m'a téléphoné, elle m'a dit « Michel, vous ne direz pas Framboise, c'est Françoise. Je sais que vous l'appelez Framboise, mais aujourd'hui, c'est Françoise. » Bon, alors on fera la dédicace dans 5 minutes. Eh bien voilà, vous êtes bien à l'écoute des 91 MHz de sur GFM et vous êtes en compagnie de Michel qui vous propose Accordéon Parade. Et Accordéon Parade exceptionnel aujourd'hui puisque Michel fait sa 1900e émission, son 1900e dimanche à la radio. Allez, maintenant, eh bien nous allons faire souhaiter un bon anniversaire à Framboise. Pardon, Françoise. À Françoise, la personne qui m'a téléphoné, elle m'a dit « Michel, ne dis pas Framboise aujourd'hui. D'habitude, tu charries toujours avec Framboise. Dis Françoise, c'est son anniversaire aujourd'hui. » Eh bien, Françoise, je m'excuse et je vous souhaite un bon anniversaire. Je vous fais une petite bise et puis je vous souhaite une bonne journée. Et puis aujourd'hui, des gâteaux, je pense qu'il faut les laisser tranquilles. Je pense que ce sont les invités qui vont vous offrir les gâteaux. Et eh bien, on va écouter un petit coup d'accordéon. Et accordéon, joue-moi mon accordéon. Allez, c'est pour vous, Françoise, avec un bon anniversaire et une bonne journée. Bon anniversaire à vous, Françoise. Eh bien, encore une fois, un bon anniversaire à vous, Françoise, un bon dimanche, une bonne semaine et à très bientôt avec les petits gâteaux. Thank you.

Et bien voilà, accordéon parade, ça finit. C'était la 1900e émission d'accordéon parade. Et comme on vient de me dire au téléphone, Didion Michel, faudrait que ça dure encore autant. Eh bien non, ça ne veut pas durer autant. Et peut-être dans un avenir très proche, il n'y aura peut-être plus d'accordéon avec Michel, avec d'autres, mais pas avec Michel. Sur ce, auditrices, auditeurs de Sorgé FM, je vous remercie de votre fidélité au 91, au 91 MHz de Sorgé FM. Et on se retrouve mardi pour la rediffusion d'émission et dimanche prochain pour une nouvelle émission d'accordéon parade. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et bye bye, à bientôt! Thank you.